Et bravo, tu as réussi à avoir 10 000 euros sur ton compte bancaire. Maintenant, tu te demandes comment les investir. Donc, on regarde tout ça dans cette vidéo. Salut, c'est Damien, créateur du site Esprit Gagnant. Donc, avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner pour rejoindre la communauté des investisseurs rentables. Donc, tu peux cliquer sur le petit bouton s'abonner et t'appuies bien sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Donc, bravo à toi, tu as réussi à épargner 10 000 euros. Bon, tu auras bien compris que si tu laisses ces 10 000 euros sur ton livret d'épargne, sur ton LDD, sur ton PEL ou je sais pas quel autre compte à 0,75%, 1% ou 2%, tu vas devenir riche, mais environ dans 10 à 15 000 ans. Donc moi, je vais te proposer des choses à mettre en place et comment utiliser ces 10 000 euros dans l'investissement immobilier pour s'en servir, pour te créer un revenu complémentaire avec l'immobilier. Donc, action numéro 1 que tu vas mettre en place, c'est que tu vas te servir de ces 10 000 euros, en fait, pas pour les utiliser directement, mais pour avoir directement ton matelas de sécurité. C'est quoi un matelas de sécurité en investissement immobilier? C'est une somme que tu as de côté et qui va te permettre de dormir sur tes deux oreilles quand tu vas avoir tes investissements en exploitation et que potentiellement tu vas avoir un imprévu, une vacance locative, des travaux non prévus. Toute chose qui va te faire sortir de l'argent que tu n'avais pas prévu et qui pourrait te stresser. Le but de l'investissement immobilier, ce n'est pas forcément de se stresser tous les jours, parce que la vie est belle, je le répète souvent, mais c'est voilà, de pouvoir anticiper. Si tu développes une bonne faculté d'anticipation, l'immobilier, ça va plus être une stress, ça va juste une source d'enrichissement et ça va te permettre réellement de te créer un revenu complémentaire, voire de remplacer ton revenu principal. Donc, numéro 1, tu vas bien laisser sagement de côté cet argent et tu vas pouvoir cocher, OK, matelas de sécurité, je l'ai. Numéro 2, quand tu vas aller voir la banque, tu vas te servir de ce 10 000 euros comme d'une carotte. Tu vas dire, regardez, monsieur le banquier, j'ai de l'argent de côté. Donc, déjà, le banquier, il va trouver ça intéressant que tu arrives à mettre de l'argent de côté. Combien de personnes n'arrivent pas à mettre de l'argent de côté, sont complètement flippés quand ils reçoivent un avis de taxe foncière, de taxe d'imposition ou d'impôt sur le revenu. On dirait que chaque année, c'est nouveau alors qu'ils l'ont chaque année. Ils sont complètement flippés. Toi, tu as réussi à épargner. Donc déjà, par rapport à ça, le banquier, il va dire, lui, il est un peu différent, ça peut être un bon client. Et en plus, à un moment, quand tu vas vouloir négocier des conditions particulières qu'il est pas enclin à t'accorder du premier coup, tu vas dire, OK, monsieur le banquier, moi je suis prêt à vous ramener les 10 000 euros chez vous. Et là, tu vas lui parler de trucs qu'il aime, quoi. Tu vas dire, je suis prêt à transférer mon livret A, mon LDD, mon livret d'épargne, mon PEL. Et du coup, le banquier, en fait, il va avoir, bim, objectif, waouh, j'ai 10 000 euros en plus, c'est toujours ça. Si tu es dans une petite banque classique, 10 000 euros dans le PNB de la banque et pour le banquier, il dit jamais non. Donc, il va être enclin à t'accorder un petit truc, ce sera pas forcément exceptionnel, mais à t'accorder quelque chose. Et numéro 3, à un moment, si ton investissement, il peut être ultra rentable et tu peux être bloqué par la banque où il va te dire, la banque va te dire, OK, mais là, faut mettre un petit peu d'argent. Ben, dans le pire des cas, tu mets cet argent et tu mets en place une stratégie pour pouvoir te refaire cette trésorerie le plus rapidement possible. Donc, tu peux par exemple te mettre en place un différé sur ton prêt immobilier, ce qui va te permettre de renflouer tes caisses et de te refaire ta trésorerie très rapidement. Donc voilà, on a vu trois possibilités pour utiliser les 10 000 euros. Un, tu peux l'utiliser comme ton matelas de sécurité, comme ça tu es tranquille. Deux, comme une carotte pour la banque. Et trois, dernière recommandation, mais c'est pas grave, des fois il faut savoir le faire, tant pis, le mettre en apport pour pouvoir faire ton projet ultra rentable. Donc j'espère que tu as aimé cette vidéo et félicitations encore à toi pour avoir eu ces 10 000 euros de côté. Donc si tu ne l'as pas encore fait, en tout cas, n'oublie pas de télécharger ma formation Comment réussir son premier investissement locatif. Donc tu le trouveras dans la description de la vidéo. Tu mets juste ton prénom et ton email et je t'envoie cette formation gratuite. Si tu as aimé la vidéo, ben mets-moi, lâche-toi, hein, lâche-toi, ça fait toujours plaisir. Mets-moi des gros likes, partage-la à des amis investisseurs et mets-moi un commentaire pour me dire si toi, tu as réussi à avoir de l'épargne et comment tu utilises cette épargne. Est-ce que tu la mets... Pour toi, principalement, il vaut mieux la mettre en bourse, il vaut mieux la claquer et se faire juste plaisir. Ou est-ce que tu l'utilises dans l'immobilier comme un effet un petit peu en effet de levier, c'est-à-dire tu as 10 000 et ça va te permettre d'emprunter 100 000, 200 000, 300 000, voire plus. Voilà, dis-moi dans les commentaires comment toi tu utilises l'épargne que tu arrives à mettre de côté. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Ciao, ciao!